Bienvenue dans le monde des dingues, où la haine est devenue flingue. Tout le monde est maintenant fou, chacun va la monnaie pour vouloir tout dominer, tout est la maladie de la vie partout. Boy, élimine ton ennemi, mon ami, avant que lui ne t'élimine. J'libère ton âme des gènes physical par le musical, musical. Boy, tout le monde piétine l'unité, c'est l'individualisme qui prime. Plus d'amitié, pas d'affinité, pas de dignité, et c'est même tes proches qui te suppriment. Voilà ton meilleur ami, devient ton ennemi, ton ennemi, ton ami. À qui se fier, de qui se méfier, ils feront tous n'importe quoi pour le billet. Cette vie s'avère sévère, cette génération perd ses repères. L'hypocrisie persévère, et les enfants ne savent que faire. Plus de sœurs et plus de frères, chacun des terres, ça hache de guerre. L'alter ego, ça nous retarde plus, quand tu crèves de faim, ça nous regarde plus. Bop, ça bop, bop, ça bop, bop, ça bop, quel talent pour les mocs. Suñu wax suñu ba may day suñu rap seni ba tele first il est min def seni der seni bluff seni jeu comme comme il a con de na mong benagong same song jamono bu ha suñu fuss jamono bu la bénéfice politique ba kind de bis mentalité we gonna see tassal sa bir da sabor leral geral beral sa wet mu jar tout tere tere tere ce n'est plus une guerre secrète min def yaangi choukourat ñataay beef ñataay sif monatuma if li jeuf li seni signe c'est le mafia c'est le gaffe yang pop so pop c'est af yang khalis lañu fal amul limit limit limit limit limit pop so pop pop so pop pop so pop quel talent pour les mocs. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop